Je vous l'ai dit, donc, nous allons parler ensemble de la Syrie avec Antoine Mariotti, il est journaliste à France 24, spécialisé sur les questions du Moyen-Orient. Pardon d'avance pour le son, cette interview elle a été enregistrée à distance depuis New York où se trouvait Antoine Mariotti. Je me permets juste quelques petites précisions pour vous permettre de tout comprendre avant de lancer l'entretien. Bachar el-Assad, dont vous allez entendre parler, il est le dictateur syrien actuellement au pouvoir. Il faut savoir qu'il était déjà au pouvoir. Lors des printemps arabes, de quoi s'agissait-il ? Ça correspond à une vague de révolution des peuples contre les régimes politiques de leur pays. Ça s'est passé en 2011 au Moyen-Orient. Voilà, je vous laisse écouter l'entretien. Il dure 16 minutes et je vous dis à tout à l'heure. Donc je voulais vous parler d'abord de la naissance du conflit en 2011. On est dans un contexte de révolution dans les pays de la région. C'est les printemps arabes. En Tunisie et en Égypte, les régimes tombent tour à tour. Alors qu'en Syrie, le pouvoir de Bachar el-Assad, lui, il résiste. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a permis au pouvoir syrien de tenir quand tous ses voisins tombaient ? Au début, toutes les manifestations, c'est Robert Ford, l'ambassadeur américain à Damas, qui m'a raconté ça encore il y a quelques jours. Au début, les manifestations ne demandent pas forcément la chute de Bachar el-Assad. Elles s'indignent contre une répression policière et de la torture, etc. Et à juste titre, évidemment. Mais il tient parce qu'il décide, le pouvoir syrien, de museler et d'aller jusqu'au bout et de ne pas avoir de limite dans la répression du mouvement. Donc, il n'arrive pas à contenir le mouvement qui se poursuit, etc. Sauf qu'il arrive à se tenir, il arrive à convaincre ou faire croire aux minorités, alors à l'Alaouite, évidemment, qui est la minorité au pouvoir, mais aussi les chrétiens, mais aussi la bourgeoisie sunnite qui vit grâce au régime aussi, que sans lui, tout va s'effondrer, que ça va être la cata, et qu'il y aura des islamistes, etc. Donc il y a aussi une partie de soutien populaire qui est, pour certains, ils en sont convaincus, et pour d'autres, c'est par défaut, c'est Bachar ou le chaos. Il a réussi à instaurer ça, en tout cas, chez des gens. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis qu'en revanche, ça existait. Et puis, il y a la structure même du régime, en fait, qui est vraiment cornaquée par cette minorité alaouite. Tous les services d'enseignement, il y en a plein pour ne pas donner trop de pouvoir à l'un ou à l'autre. Donc, c'est vraiment à la fois la structure même du régime, la manière dont il s'y est pris, etc., qui a fait que ça n'a pas... qui s'est maintenu. Et il faut bien voir qu'en Égypte, comme en Tunisie, à chaque fois, c'est l'armée finalement, qui a réussi à faire tomber le régime. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'armée a lâché le pouvoir alors qu'il y avait des manifestations, le pouvoir qui était contesté, et du coup, Moubarak est obligé de partir. Du coup, Ben Ali est obligé de partir. L'armée en Syrie, elle, reste très fidèle à Bachar el-Assad. Alors certes, il y a plein de déserteurs, on va vous dire, il y a plein de déserteurs, l'armée, c'est la débandade, etc. Sauf que c'était principalement des unités qui n'étaient pas celles qui tenaient réellement le pays d'une main ferme. Mais justement, cette répression de Bachar el-Assad, on va l'aborder tout à l'heure avec la question humanitaire. D'abord, les réactions internationales, qu'en était-il ? Vous avez publié aux éditions Talendier La honte de l'Occident, sous-titre Les coulisses du fiasco syrien. On va revenir tout à l'heure vraiment sur le livre, mais je voulais d'abord m'arrêter sur le mot fiasco. C'est comme ça qu'il faut qualifier l'action internationale en Syrie ? Oui, c'est un fiasco. On a cru qu'il allait tomber alors qu'il n'allait pas tomber. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les politiques ont dit ça, les ministres des Affaires étrangères, les chefs d'État, de gouvernement ont dit « Bachar n'en a plus pour quelques semaines, tout au plus quelques mois », alors que sur place, leurs espions et leurs diplomates disaient le contraire. Ils disaient « il ne va pas tomber, c'est plus compliqué qu'en Tunisie ou en Égypte, il y a plein de facteurs qui font que… » Et on sent déjà qu'il y a un petit soutien de la Russie et de l'Iran qui ne vont pas le lâcher autant. Alors évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une intervention militaire à ce que… Mais à ce moment-là, c'est pas non plus un conflit armé, donc on pouvait pas s'y attendre. Et donc, on bâtit notre politique sur une réalité qui n'existe pas à ce moment-là, c'est-à-dire sur une chute imminente de Bachar el-Assad. Donc, on encourage les gens à continuer à se soulever. Ça, politiquement, on peut le comprendre. Vous êtes réprimé, on vous soutient, vous avez un pouvoir qui n'est pas légitime, etc. Mais par contre, on décide de leur dire, même quand ça devient un conflit armé, de continuer à y aller, et on le fait aussi, pas uniquement avec des mots, mais avec des gestes. Quand on donne des lunettes de vision nocturne à des groupes armées, c'est pas pour qu'ils jouent avec leur fils la nuit. Quand on leur donne des armes, c'est pas pour qu'ils jouent à la marelle, c'est pour aller se battre. Donc on pousse ces gens, on les aide à aller se battre, sauf qu'on leur donne jamais suffisamment pour réellement inverser le rapport de force ou chambouler suffisamment le régime. Et quand on trace ensuite des lignes rouges fortes, comme l'a fait Barack Obama, mais qu'on ne les fait pas respecter, forcément, c'est un fiasco parce que le poids des Occidentaux et des États-Unis en particulier, s'est particulièrement effondré. Et cette ligne de Barack Obama, c'était quoi dans les relations internationales? C'est un désastre. C'est pas quelque chose qui est formel, c'est pas une résolution du Conseil de sécurité ou autre, mais vous avez le président de la première puissance mondiale qui va en salle de conférence de presse à la Maison-Blanche et qui dit si jamais ils utilisent ou déplace de manière massive des armes chimiques, ça changera nos calculs et ce sera une ligne rouge pour nous qu'il ne faudra pas dépasser. Un an après, ils estiment qu'il y a la ligne rouge qui a été dépassée, qu'il y a de très nombreux renseignements qui convergent pour dire que le régime est coupable d'une attaque chimique de grande ampleur dans la région de Damas. On parle de 1 000, 1 500 morts, on n'a pas de chiffres précis, mais en tout cas, il y a des centaines de morts, c'est un désastre. Et là, on dit OK, ben on frappe, on frappe, on frappe. Et à quelques heures des frappes, Obama décide de reculer, alors que tous ses conseillers, à part un, étaient pour maintenir ses frappes et que tout était prévu. Au moment où il passe le coup de fil avec François Hollande, qui est censé être le coup de fil de go, on y va, c'est parti. Les ravitailleurs français sont déjà prêts à décoller, ils sont sur le tarmac en France. Et elle n'est pas respectée, donc c'est un vrai tournant. Parce qu'à partir de là, l'opposition comprend qu'elle ne peut pas compter sur l'Occident. Ça commence à être la débandade. Elle commence à se rapprocher pour une partie de groupes islamistes. Et puis le régime et la Russie comprennent aussi qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent, y compris les pires horreurs, et qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc ils ne risquent rien. Et aujourd'hui alors, quel tableau peut-on dresser de la Syrie? Certains considèrent que el-Assad est à la tête d'un état vide, son pays est à genoux et sa population qui souffre d'une immense crise humanitaire. Pourriez-vous nous décrire un peu le paysage local, comment ça se passe là-bas? Alors, tout ça, c'est vrai. Je dirais pas qu'il est vide parce qu'il n'est pas vide. Il y a toujours des gens qui habitent et qui, dans des conditions, voilà. En revanche, il contrôle plus ou moins 70% du pays grâce à ses alliés russes et iraniens, grâce aussi à son armée qui n'est pas non plus complètement morte, faut pas exagérer, même si elle n'est pas en bon état. Et puis, c'est surtout un pays qui est complètement morcelé. Vous avez une partie qui est contrôlée par le régime, mais une partie qui est détruite ou autre, qui a été vidée de tous ceux qui étaient contre le régime. Donc une sorte de nettoyage ethnique qui a été procédé, ou en tout cas, on virait aussi tous les opposants et tous ceux qui pouvaient gêner. Il y a une partie où les Turcs sont militairement présents, il y a une partie où il y a des groupes islamistes qui sont présents, il y a une partie où il y a toute une résurgence de l'État islamique qui est en train d'arriver qui pose problème. Puis vous avez une partie qui est contrôlée par des forces arabo-kurdes, mais surtout kurdes, y compris des villes qui ne sont pas kurdes à la base, ce qui peut poser problème à court ou moyen terme. Donc on a un pays qui est morcelé, qui est détruit, et c'est un désastre parce que ça va mettre des décennies avant de s'améliorer, si ça s'améliore. Et pour l'instant, on ne voit pas trop quelle va être l'issue, comment ça peut être reconstruit, avec quel argent d'ailleurs, personne n'a l'argent pour, à part les Européens, les Américains, et ils ne le feront pas. Donc c'est un vrai désastre et c'est une vraie catastrophe pour cette population et ce beau pays, quoi. Et parallèlement à cette crise, en plus se développe le terrorisme. Le groupe État islamique s'est formé. Il est initialement issu d'un autre groupe terroriste qui est Al-Qaïda. Une fois encore, quelles sont les conséquences internationales et peut-être même sur la population locale de ce développement? Ben, nous, on a subi les conséquences. On a eu des attentats à Paris, particulièrement meurtriers. On a eu des attentats à Bruxelles, particulièrement meurtriers. Et puis, plus plein d'autres attentats. Donc, les Européens aussi, en fermant les yeux, enfin, ce qu'on a en fermant les yeux, c'est compliqué de dire ça, mais à force de ne pas intervenir en 2013, etc., on a laissé ces groupes islamistes prospérer aussi. Et les Turcs, les Qatariens, etc., ont aussi des responsabilités parce qu'ils ont financé des groupes islamistes. Donc toute cette sphère-là a vraiment prospéré grâce à la Syrie. Bachar al-Assad a une responsabilité énorme, évidemment. C'est un vrai problème parce que sur place, en Irak et en Syrie, il y en a encore énormément et que ça va poser problème dans les semaines, les mois, les années à venir sur place. Et il ne faudra pas s'étonner si l'État islamique redevient très fort ou que, né de ces pseudo-cendres, encore un groupe, mais du même genre. Il y a bien plus de gens aujourd'hui qui sont dans cette idéologie-là et qui en plus sont coincés dans des conditions horribles en Syrie. Il n'y a malheureusement pas grand-chose de bon qui peut ressortir de ça. Et parallèlement à tout ce qu'on vient de dire sur Bachar el-Assad, il n'est pas seul pour autant. Par quel pays est-il soutenu? Et surtout, est-ce qu'il y a une chance pour que on ne fête pas les, on vient de fêter les 10 ans, pour qu'on ne fête pas les 11 ou les 12 ans du conflit? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il s'arrête bientôt? Non, le conflit, en fait, il est à la fois presque gelé et à la fois actif. L'année dernière, c'était l'année la moins meurtrière, il y a eu un petit peu moins de 7 000 morts, mais on voit qu'avec quand même plusieurs milliers de morts, bah, c'est un conflit qui est terminé. Donc ça se poursuit parce qu'il y a ce morcellement qui, pour l'instant, est plus ou moins figé sur les cartes. Donc non, clairement, il y aura un 11e, un 12e anniversaire. Est-ce qu'on va se retrouver avec un conflit comme le conflit israélo-palestinien qui est à peu près stable mais pas réglé et problématique pendant longtemps? Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de morts. C'est assez désastreux. Et sur les soutiens du régime, c'est évidemment l'Iran et la Russie, les deux principaux soutiens, avec le Hezbollah libanais, mais qui a été amené là seulement par l'Iran. Et eux ne vont pas le lâcher d'un coup. Vous ne pouvez pas partir tout d'un coup, après avoir autant investi militairement, politiquement, diplomatiquement. Les Russes, ils sont là parce qu'ils ont bien l'intention de rester présents, de garder leur base aérienne, etc. Donc à un moment donné, ils vont forcément se retirer, mais tout en gardant une présence importante. Et les Iraniens, pareil, ils n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. Ils ont donc trop bien compris comment ça fonctionnait, que. Et pour garder leur sphère d'influence, et la Syrie est importante pour eux, quoi. Comme ils l'ont fait en Irak, l'intervention américaine a quasi donné le pays à l'Iran. Et du coup, j'en viens pour finir à votre livre. Je le rappelle, La honte de l'Occident, paru aux éditions Talendier. Vous vous êtes glissé un peu dans les coulisses du conflit. Expliquez-nous juste peut-être comment est-ce que vous avez construit votre enquête qui est nourrie donc de témoignages. Comment est-ce que vous... C'est un long travail de plusieurs années. Comment est-ce que vous l'avez construit ce travail? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu interroger des personnes de tous bords, parce que je trouve que c'est, si on va interroger que le régime et les Russes, on va avoir qu'une vision biaisée. En même temps, si j'interroge que l'opposition et ses soutiens, j'ai une vision qui est aussi biaisée, quoi. Donc, mon but était d'interroger un maximum d'acteurs de ce conflit, pas des observateurs, pas des experts qui souvent se font leur avis depuis Paris, Washington ou Londres, et voilà. Je voulais vraiment faire un boulot de journaliste, c'est-à-dire de dire, voilà, je vais aller voir les acteurs, je les interroge, et on identifie certains moments clés, et qui était acteur du premier, deuxième ou troisième cercle sur ces conflits-là. Et dans ce cas-là, c'est d'essayer de tous les retrouver, tous les faire parler. L'immense majorité m'a parlé en off, c'est-à-dire que je pouvais les citer, mais enfin, je pouvais dire ce qu'ils disent, mais sans dire qui ils sont, sans donner leur nom. C'est pas le cas de tous, donc voilà. Donc, j'ai interrogé une centaine d'acteurs, que ce soit des chefs d'État comme François Hollande, chefs de gouvernement comme Jean-Marc Ayrault et Enrico Letta, des ministres, tous leurs entourages, tout l'entourage d'Obama, de John Kerry, etc., des espions, des responsables, des envoyés spéciaux de l'ONU, Lard Brahimi, Stéphane de Mistura, des opposants syriens évidemment, des représentants du régime syrien aussi. Donc voilà, c'était d'arriver à interroger un maximum de personnes, de les interroger sur des faits, de découvrir de nouveaux faits face à ça, de les revérifier ensuite avec un maximum de témoignages directs pour pouvoir arriver à reconstituer ce qui s'est passé à certains moments clés et comprendre pourquoi la Syrie est dans cette situation-là aujourd'hui, 10 ans après le début du conflit. Et du coup, puisqu'on parle de la Syrie, juste une question qui me vient sur ce type de terrain quand vous intervenez pour, ben voilà, pour aller informer, pour aller filmer, un terrain de guerre, donc plongé dans une situation d'insécurité quand même, comment est-ce qu'on mène son travail sur ces espaces? Il y a deux choses sur la c'est qu'il y a filmé côté opposition, filmé côté régime. Il faut évidemment filmer les deux parce qu'on ne peut pas, encore une fois, c'est comme quand on interroge que ceux d'un côté, on a une vision qui est biaisée. Il y a aussi eu des morts dans la population qui soutient le régime. Moi, j'ai vu des mortiers tomber, etc., sur de la population qui innocente, qui n'était pas sur les positions militaires. Donc il faut aussi en parler, ça existe. Les morts, les atrocités, les souffrances, elles ont évidemment été mille fois plus importantes du côté de l'opposition. Il y a pas photo. Et donc, nous, par exemple, moi, j'ai été. On avait eu des équipes qui avaient été beaucoup côté régime, notamment chez nous, à Fond 24, c'était essentiellement Mathieu Mabin, côté régime, côté opposition, pardon, et qui avait réussi à s'infiltrer clandestinement en Syrie par des pays voisins pour rejoindre ces groupes d'opposition, filmer leur réalité, filmer les bombardements du régime et tout ce qui se passait. Et donc, ça permettait d'avoir un véritable éclairage sur ce qui se passe. C'était essentiel, c'était le principal. Et moi, au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir un visa pour entrer côté syrien et montrer ce qui se passait et interroger ces responsables syriens aussi pour les mettre face à leurs actes. Dans tous les cas, on ne nous montre pas tout ce qu'on veut. Ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer. La propagande, elle existe de tous les côtés, chez les bons et chez les gentils. Et chez les bons et chez les méchants, et évidemment côté méchant, côté régime, ils essayent de nous montrer que ce qui les arrange. On a sans cesse un mec du ministère de l'information qui nous colobasque, etc., qui surveille qu'on filme pas tel ou tel truc, et voilà. Donc moi, je me rappelle une fois où je l'ai pourri et m'a gonflé. On en a changé le lendemain, d'ailleurs, on en a envoyé quelqu'un d'autre, le tout c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on est journaliste, on n'est pas des béni-oui-oui. C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir un mec du ministère de l'Information à un côté, je ne vais pas dire ce que lui veut, je ne vais pas dire ce qu'eux me veulent. Donc déjà, quand je fais mes directs, j'explique dans quelles conditions on fait ce tournage-là. Il y a sans cesse quelqu'un du régime qui est près de nous, qui regarde et qui surveille. On est dans un pays surveillé, etc. Comme c'est le cas aussi en Iran, par exemple. Donc, il faut donner aux gens le contexte dans lequel ça se passe. Et dire voilà ce que nous pouvons voir, pas voir. On sait aussi, parce qu'on a des informations d'ailleurs, de l'opposition, etc., de tous les médias du monde entier, donc on sait ce qui se passe de l'autre côté. Donc on essaye de reconceptualiser à chaque fois dans chaque réponse pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit complètement aveuglé, qu'il ne soit même pas du tout. Et merci à Antoine Mariotti donc, pour cet entretien. Antoine Mariotti qui publie aux éditions Talendier La honte de l'Occident, sous-titre Les coulisses du fiasco syrien. Merci à lui de nous avoir parlé de la situation là-bas.